J'ai fait 7 réunions. Alors, j'avoue qu'aujourd'hui, je commence à tirer un peu, quoi. Hein. Bien, alors, nous allons reprendre notre étude sur les prophéties sur la fin des temps dans le livre de la Genèse. Hier, nous avons vu ce qui était, en quelque sorte, un des textes les plus importants de l'Écriture. Dieu crée le ciel et la terre. Tout ce qui s'y trouve. Et ce faisant, donc, il nous amène aussi à nous interroger. Comment se fait-il que dans ce monde parfait, créé par Dieu, le mal soit entré avec son cortège, la souffrance, la mort et tout ce qui en découle? Quelqu'un m'a fait remarquer hier soir que des textes bibliques nous disent que Dieu aussi nous laisserait entendre que Dieu a aussi créé le mal. Je ne sais pas si on peut aller aussi loin que cela, mais je dirais simplement que le mal fait partie aussi du plan de Dieu. Le mal et l'existence du mal, même avant la création, notamment parmi les anges, est la condition même de la liberté des êtres tels que justement les anges, les hommes et finalement Dieu lui-même. Le problème, c'est justement que ces êtres que le Seigneur a créés ont pour mission et pour vocation de triompher du mal et de mettre en évidence, comme le dira l'apôtre Paul, la vie et l'immortalité. Ce matin, j'aimerais que nous nous arrêtions plus longuement sur cette question d'où vient le mal et comment est-il possible, effectivement, de s'en affranchir. Pour cela, nous ferons deux lectures qui sont un peu surprenantes, vous allez le voir, mais vous comprendrez tout de suite. D'abord, dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, verset 4. « Voici les origines du ciel et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et un ciel. » Deuxième texte, toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 5 et le verset 1er. Voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa, mâle et femelle. Il les bénit et les appela du nom d'homme au moment où ils furent créés. Là, dans ce deuxième texte, il est question d'un livre. Voici le livre de la postérité d'Adam. Et cette expression, on va la retrouver à plusieurs reprises dans le livre de la Genèse. La Bible, dans sa version canonique, si j'ose dire, nous est parvenue en hébreu. Et il y a ce premier texte que nous avons lu, où il est question aussi de la ce qu'on traduit, on verra tout à l'heure comment il faut le comprendre, par postérité du ciel et de la terre. Maintenant, nous avons aussi une des plus anciennes traductions de la Bible qui nous soit parvenue, qui est la traduction en grec, que l'on appelle la traduction des 70 ou des 70, parce qu'elle a été traduite par 70 sages qui possédaient aussi bien l'hébreu que le grec. Et dans la version grecque des 70, à cet endroit-là, il y a une petite différence avec le texte hébreu. Il nous est dit « Voici, en hébreu, la postérité du ciel et de la terre. » Et la version grecque nous dit « Voici le livre de la postérité du ciel et de la terre. » Le professeur Schmario Goodman pensez qu'effectivement, ce qu'on appelle en exégèse une leçon, c'est-à-dire cette, cette formulation-là est plus exacte. Et il y a donc au commencement deux livres. Le livre de la postérité du ciel et de la terre et le livre de la postérité d'Adam. Maintenant, je voudrais revenir sur cette expression que l'on traduit par postérité. Alors, on la traduit de cette manière, mais on traduit aussi par descendance, généalogie. Mais le mot qui est traduit de cette manière-là, c'est le mot hébreu toldot, qui signifie littéralement les engendrements. Et si l'on veut traduire littéralement ces expressions, il faut le faire de la manière suivante. Dans le premier cas, voici le livre des engendrements du ciel et de la terre. Et puis ensuite, au chapitre 5, voici le livre des engendrements d'Adam, c'est-à-dire de la chaîne des générations, qui commence avec Adam et qui va s'achever dans la Jérusalem céleste. Et cette notion des toldot, c'est une notion fondamentale dans la Bible. Et il y a ces généalogies qui nous semblent un petit peu monotones, qui ont des noms qui ne nous disent pas grand-chose, et beaucoup de chrétiens, quand ils arrivent à ces généalogies-là, les sautent, parce que justement, ils ont l'impression que ça ne leur apporte pas grand-chose. En fait, il est important de rappeler justement cette idée d'une filiation. Filiation qui passe de père en fils. Nous retrouverons aussi dans l'Évangile deux généalogies de Jésus, un peu différentes, ça, je ne vais pas entrer dans ce problème ce matin, c'est hors de mon propos, mais qui nous montre que Jésus remonte effectivement, lui aussi, au premier homme, et le premier homme lui-même remonte à Dieu. Quand le jour où Dieu créa un homme et une femme, nous dit le chapitre 5 du livre de la Genèse, il les fit à son image, à sa ressemblance. Nous avons vu en quoi consistait cette image de Dieu dans l'homme hier. C'était en relation avec cette possibilité de l'homme de parler, donc de penser comme Dieu le fait, donc d'entrer en contact avec Dieu. Deuxièmement, cette possibilité aussi d'être un être libre, d'être un être moral, qui a la possibilité de choisir le bien et de se détourner du mal, comme Dieu le fait, puisque Dieu aussi, nous l'avons vu hier, est un être moral. Et cette image que Adam a reçue de Dieu, il la transmet à ses descendants, qui eux, à leur tour, les transmettent à leurs descendants jusqu'à la fin. Or, aujourd'hui, nous assistons à un drame par rapport justement à cette chaîne des toldot. C'est qu'avec toutes ces manipulations génétiques que nous avons évoquées brièvement hier, PMA et tout ce qui en découle, et bientôt, enfin du moins, on le pense, les utérus artificiels, eh bien, cette chaîne des toldot va s'interrompre. Un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Mais si un jour on arrive à ce que les hommes de ce temps souhaitent, c'est-à-dire une procréation qui soit totalement détachée de cette chaîne des engendrements que nous avons évoqués, eh bien, c'est un drame qui se produira dans l'humanité. Et ce sera cette rupture avec ce qui existe dès le commencement et qui, selon le plan de Dieu, doit se poursuivre jusqu'à la fin. Et il y avait un sage d'Israël, un parmi les plus grands, qu'on appelait Rabbi Akiva, il vivait à peu près un siècle et demi après Jésus, et auquel on demandait « Quel est le résumé de toute la Torah ?» Et il a cité ces deux textes. Parce que, justement, ils sont la base d'où découle l'idée d'une fraternité humaine. Et les deux commandements, « qui sont les deux grands commandements que Jésus confirmera dans l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et le second qui lui est semblable, ton prochain comme toi-même, découle justement du fait qu'il y a cette chaîne des engendrements qui font que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Et comme le dira le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain. Alors on traduit comme toi-même, mais l'on peut aussi comprendre car il est comme toi-même. Par conséquent, en haïssant ton prochain, c'est toi que tu es. Si tu cherches à le détruire, c'est toi qui te détruis aussi, parce que ce prochain, il est comme toi-même. Et Rabia, un autre sage d'Israël, disait « Il n'y a rien de plus grand que cela », c'était Rabbi Azaria. De là découle cette idée d'une fraternité entre les hommes. Mais, effectivement, cette affirmation « Voici le livre de l'histoire des engendrements de l'homme », eh bien, c'est quelque chose qui nous conduit aussi vers ce commandement que nous avons évoqué tout à l'heure, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Deux réalités qui sont absolument complémentaires, deux vérités, l'amour pour Dieu et l'amour pour l'homme, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer celui et haïr celui qui est à l'image de Dieu, à savoir ton frère, qui lui aussi porte en lui cette image de Dieu. Dans le texte de la Genèse, c'est la première fois aussi qu'apparaît cette histoire, cette idée d'un livre. Et tout à l'heure, je vais revenir aussi sur cette question d'un livre. Mais maintenant, je voudrais m'arrêter, revenir en arrière un peu, et m'arrêter sur ce qu'a été d'abord cette création de l'homme à l'image de Dieu, et l'implantation du Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden est un lieu qui a été conçu uniquement en fonction de l'homme. Dieu n'a pas besoin d'un tel jardin pour lui-même. Il crée ce jardin pour le bonheur. Et comme le dit le terme Éden, Éden, c'est le plaisir de l'homme. Et de fait, ce jardin va être pourvu de tout un ensemble d'arbres, de fruits les plus délicieux que l'on puisse imaginer, dont l'homme va pouvoir se rassasier sans limite, selon justement son bon plaisir. La seule restriction, c'est justement cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve au centre du jardin. Cet arbre, il est là, comme évidemment un objet de tentation pour l'homme, parce que là aussi, il faut que l'homme puisse faire un choix libre, ou obéir à Dieu par amour pour lui, ou bien s'en détourner. Et ce commandement, finalement, qui est négatif, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Eh bien, c'est le deuxième commandement, en réalité. Le premier commandement, c'est celui-ci. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Autrement dit, c'est un commandement positif. Mais voilà, il y a effectivement cet interdit de Dieu. Interdit qui est en même temps un commandement difficile que Dieu a donné à l'homme. Et ça, Dieu en est parfaitement conscient. Et donc, Dieu va aussi essayer de donner à l'homme toutes les conditions les plus favorables pour qu'effectivement, il puisse faire le bon choix. Il va lui soumettre les animaux, et l'homme va devoir faire venir vers lui les animaux pour qu'il les nomme. En hébreu, donner un nom, c'est prendre possession, c'est prendre pouvoir, c'est prendre autorité sur ce qui est nommé. Dieu lui-même agit de cette manière. quand il crée la lumière, il appelle la lumière jour et les ténèbres, il les appelle nuit. Et ensuite, il va donner des noms à tout ce qui sort de ses mains. Ça veut dire, Dieu reconnaît et dit, c'est l'œuvre de mes mains. J'ai autorité sur l'œuvre de mes mains et en même temps, j'en suis responsable. Vous avez dans le chapitre 43 du livre du prophète Ésaïe un texte magnifique. La deuxième partie du livre d'Ésaïe, à partir du chapitre 40, appartient à ce qu'on appelle le livret des consolations d'Israël, parce qu'il commence par cette expression « consolez, consolez mon peuple ». Et c'est à partir de là une perspective eschatologique, une perspective des fins dernières qui apparaît justement dans cette deuxième partie du livre du prophète Ésaïe. Et il est intéressant de noter que le thème de la création revient très souvent dans ce livret des consolations d'Israël. Création, mais plus exactement, nouvelle création. Ça veut dire que le rassemblement d'Israël au temps de la fin, qui est le thème essentiel de cette deuxième partie du livre d'Ésaïe, est considéré par Dieu comme une nouvelle création. Et le livre lui-même se termine au chapitre 66 de la manière suivante. « Voici, dit le Seigneur, je crée une terre nouvelle et un ciel nouveau. » Et en hébreu, c'est une forme très particulière de l'hébreu biblique que l'on appelle le présent absolu. C'est-à-dire, c'est une expression très rare dans toute la Bible. Dans toute l'Écriture, elle apparaît en tout et pour tout 5 fois. Et la dernière fois, c'est justement dans ce texte d'Ésaïe 66. Ça veut dire, c'est une certitude. Dieu va absolument être fidèle à cet engagement qu'il prend. Je crée une terre nouvelle et un ciel nouveau. Et cette création nouvelle, elle commence justement par le rassemblement d'Israël, qui lui aussi va être comme un acte de nouvelle création et le point de départ de cette terre nouvelle qui est aussi appelée dans le Nouveau Testament le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Et dans le chapitre 43 d'Ésaïe, ce dernier déclare ceci. Ainsi parle celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Donc, allusion à la création. Voici, je t'appelle par ton nom. Ça veut dire, j'ai autorité sur toi. Et la suite le dit, je t'appelle par ton nom, donc tu es à moi. Mais cette autorité de Dieu sur Israël, et par conséquent sur aussi au départ l'ensemble de l'humanité, ça n'est pas une dictature, ce n'est pas un système totalitaire. Dieu a autorité sur ses créatures. Mais ils s'en sont responsables. Et la suite du chapitre 43 d'Ésaïe dépeint d'une manière absolument remarquable cet amour de Dieu pour son peuple. Ne crains pas Israël. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu vas dans des endroits difficiles, je te garderai, je t'aiderai parce que tu es à moi. Et par conséquent, j'ai des responsabilités vis-à-vis de toi. Donc tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre de ce nouveau processus de création. Et le prophète continue en disant, voici, les choses anciennes sont passées. Avant qu'elles arrivent, je vous en annonce de nouvelles. Il y a des choses anciennes qui n'ont pas toujours été glorieuses, y compris pour le peuple d'Israël. Mais le Seigneur dit à Israël, ne vous souvenez plus de ces événements passés. Ne vous souvenez plus de ce qui a pu être négatif. Je vais faire une chose nouvelle. Je vais mettre de l'eau dans le désert. Je vais faire en sorte que le désert soit changé en un nouveau paradis, en un nouveau jardin d'Éden. Il rendra toutes ces pierres semblables à des autels, et sa terre aride, son désert. Il le rendra semblable à un jardin de l'Éternel, à un jardin d'Éden. L'enseignement biblique est le suivant, et nous en avons parlé hier. La conduite de l'homme affecte la création. Il y a une solidarité parce que l'homme a reçu autorité sur cette création, non pas pour qu'il en soit le maître absolu, mais comme lieutenant de Dieu, intendant de Dieu, auquel il doit rendre compte de la manière dont il gère ce patrimoine que Dieu lui confie. Mais en même temps, le Seigneur lui dit, « Eh bien, écoute, s'il y a cette solidarité dans le mal comme dans le bien, quand l'homme agit mal, le péché rend le pays fertile désert. » Ça, c'est une des lois aussi que l'on trouve dans l'Écriture. Mais lorsque le pécheur revient à Dieu, se détourne de son péché, non seulement Dieu le rétablit, mais ensuite, eh bien, Dieu fait en sorte que ce désert redevienne un jardin d'Éden. Dans le livre du prophète Osée, cela apparaît peut-être plus qu'encore qu'ailleurs, quand, parlant d'Israël sous l'image d'une épouse infidèle, Dieu lui dit « C'est pourquoi je vais l'attirer au désert et parler à son cœur. » Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au temps où elle sortit du pays d'Égypte. Et ça aussi, les rabbins considèrent que l'exode d'Égypte, c'est aussi une prolongation de l'œuvre de la création. Dieu prend un ramassis d'esclaves, dispersés, rustres, barbares, etc. Et comme il l'avait fait pour créer Adam au commencement, il avait pris cette poussière de la terre, il avait façonné un être humain à son image. De la même manière, prenant ce ramassis d'esclaves en Égypte, Dieu en fait un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple de sacrificateurs. C'est une création. Et la dernière alliance, la nouvelle alliance qu'annoncent les prophètes, qui sera justement ce rétablissement de ce que Israël a perdu par son péché et dans son exil, eh bien, c'est aussi une nouvelle création. Nouvelle alliance égale nouvelle création. Alors, je l'attirai au désert. Désert, lieu d'épreuve, lieu de la tentation. Désert, qui est la demeure de Satan et des démons. Comme le dira Moïse à Israël dans le chapitre 5 du livre du Deutéronome, « Souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. Il t'a mené 40 ans dans ce grand et affreux désert, là où habitent la vipère et le dragon volant. » Vipère, Satan, dragon volant, Satan, etc. D'ailleurs, quand Jésus sera poussé lui-même par l'Esprit Saint au désert, ce sera pour y rencontrer Satan, le tentateur. Le désert est par excellence le domaine de Satan. Je l'attirai au désert. Pourquoi? C'est-à-dire, je vais l'attirer dans un lieu d'épreuve, dans un lieu difficile. Et le Seigneur le rappelle aussi par la bouche de Moïse dans le Deutéronome. Il t'a mené 40 ans dans ce grand et affreux désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Ah, c'est fort. Seigneur, alors, tu es un maître dur. Effectivement, 40 ans pour le peuple d'Israël au désert, confronté à toutes les épreuves qui nous sont rapportées dans la Torah, c'est quelque chose que parfois on a un peu de mal à comprendre. Et le Seigneur continue, oui, pour t'émulier et pour t'éprouver, pour voir si oui ou non tu allais mettre en pratique les commandements de ton Dieu. désert, lieu d'épreuve. Parce que l'être humain est un être libre. Parce que l'être humain est un être qui est à l'image de Dieu dans ce domaine, eh bien, il doit faire un choix, respecter ou non les commandements de Dieu. Et pour qu'il y ait cette mise à l'épreuve, il faut que l'être humain soit éprouvé. D'où la présence de l'arbre de la tentation dans le jardin d'Éden, qui n'est pas un désert. Loin s'en faut. Si bien que l'homme, quand il va prendre ce fruit interdit, eh bien, n'aura aucune excuse devant Dieu. À la limite, Jésus aurait pu en avoir quand il était dans le désert. Jésus qui va connaître les tentations qui ont été celles d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Après 40 jours de jeûne, il eut faim. Et c'est légitime, ça se comprend. Et voilà donc, Jésus, lui, est dans des conditions où il aurait eu, s'il avait cédé au tentateur, on pourrait dire des circonstances atténuantes. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, n'en avaient aucune. Et le problème, c'est que l'homme n'est pas un pur esprit. Il est esprit âme et corps, nous l'avons vu hier. Et pour que la tentation puisse avoir lieu en ce qui concerne l'homme, il fallait un tentateur. L'objet lui-même, qui était l'arbre, n'était pas suffisant pour tenter l'homme. Il fallait quelqu'un qui l'incite à se rebeller contre la volonté de Dieu. Et pour terminer sur le prophète Osée, avant d'y revenir, donc le Seigneur dit, eh bien, à ce moment-là, je lui donnerai ses vignes. Et la vallée d'Accor, la vallée du trouble, la vallée qui, comme ce paradis terrestre, est devenue un désert à cause du péché de l'homme, et en l'occurrence du péché du peuple d'Israël, eh bien, se changera en Petah Tikva, en une porte d'espérance. Et donc ici, si le péché rend désert, la repentance et le retour à Dieu permettent le retour à l'Éden. Et ça aussi, c'est tout le cheminement de l'être humain depuis qu'il est chassé du jardin d'Éden jusqu'au moment où il retrouve cet Éden dans la Nouvelle Jérusalem, dans le livre de l'Apocalypse. Donc, je reviens à mon arbre ici. Nous avons dit qu'il faut un tentateur. Les purs esprits que sont les anges peuvent être séduits, tentés par des idées pures. L'être humain, parce qu'il est aussi un être matériel, ne peut pas être tenté par des idées pures. Il faut un être qui va l'inciter à la rébellion. Un être qui, déjà, avait lui-même été amené à se révolter contre Dieu dans un autre Éden, qui nous est dépeint, par exemple, dans le chapitre 28 du livre du prophète Ézéchiel, où il est question d'un certain Lucifer, un archange, dont il nous est dit qu'il mettait le sceau à la perfection. C'était la créature la plus belle, la plus extraordinaire, la plus parfaite que Dieu avait créée. Et séduit par sa propre beauté, parce que lui, c'était un pur esprit, il n'avait pas besoin d'être tenté extérieurement lui-même, eh bien, il a dit, je monterai jusqu'au Très-Haut et je prendrai la place de Dieu. Il entraîne un tiers des anges dans cette rébellion-là. Et voilà, Dieu va permettre à cet archange déchu, que nous appelons le diabolos, ce qui en grec signifie le diviseur, ou en hébreu le satan, c'est-à-dire l'adversaire. Dieu va lui permettre d'entrer dans le jardin d'Éden. Parce que finalement, cette épreuve décisive entre ces deux voies, la voie de l'obéissance ou la voie de la désobéissance, c'est quelque chose que l'homme, par rapport auquel l'homme devait se déterminer dès le début de son histoire. Parce que, nous le voyons constamment dans la Bible, les choix du fondateur d'un groupe entraînent toute sa descendance. Lorsque Jéroboam se rompra avec le royaume d'Israël, c'est aussi avec le royaume de Juda, pardon, c'est un chemin dans lequel il n'y aura pas de retour possible. Les fondateurs de quelque chose engagent solidairement tous ceux qui vont ensuite les suivre. Alors il fallait que cette épreuve, elle ait lieu dès le commencement. Et le diable, le diabolos, le Satan, l'adversaire, va se manifester au travers d'une simple créature que Dieu a créée parmi tous les animaux qui ont été créés, un serpent. Un serpent qui est finalement un animal des champs, nous est-il dit. Ça n'est pas un être qui a le sens des responsabilités, c'est un simple animal parmi les autres. Pourquoi ? Pour tenter l'homme et la femme, Satan choisit-il de s'incarner dans un serpent ? Vous savez, des animaux peuvent être possédés. Et la Bible nous le rappelle. Et notamment le fait que lorsque Jésus délivrera cet homme de Gadara qui était animé par une légion de démons, 6000 démons, ces démons vont aller s'incarner dans des porcs qui paissent à proximité. Et nous avons, disons, les pasteurs qui ont affaire parfois à des situations de ce type-là, savent bien que, de fait, des animaux peuvent être possédés. En Bretagne, où nous avons une influence occulte très grande depuis des générations et des générations, il m'est arrivé d'avoir affaire avec justement des animaux qui étaient possédés, notamment des bovins ou des animaux comme cela, pour lesquels il a fallu prier pour que justement ils soient délivrés. Donc, rien d'extraordinaire à cette idée que Satan ait pu posséder un serpent. Pourquoi un serpent ? Ah, dans l'Antiquité, le serpent est un animal très particulier. Dans presque toutes les civilisations, il y a une espèce de divinisation du serpent et un culte du serpent. Pourquoi ? Eh bien, parce que le serpent est une image de la vie éternelle. Le serpent, en effet, est un animal qui mue. Et lorsqu'il grandit, il abandonne sa peau et il redémarre. Cet abandon de sa peau, c'est une sorte de mort. Et pourtant, le serpent ne succombe pas à cet abandon de sa première peau. Il va en reconstituer une autre. Quelque temps plus tard, il va de nouveau perdre cette deuxième peau qu'il s'est fabriquée, et ainsi de suite. C'est bien que le serpent, dans toutes les religions anciennes, est un symbole de la résurrection. Il n'est pas jusque dans la civilisation grecque, et même aujourd'hui, la profession médicale est représentée par un caducée, c'est-à-dire par un serpent. Et dans certains textes juifs aussi, on a cette idée. Le serpent est celui qui fait mourir, parce que c'est un animal venimeux, mais c'est aussi un animal qui fait vivre. Le serpent a ces deux possibilités. Et lorsque le peuple d'Israël sera mordu par des serpents brûlants dans le désert, Dieu ordonnera à Moïse de fabriquer un serpent de bronze, et tous ceux qui regardent le serpent après avoir été mordu par les tsoufim, qui existent encore en Israël à l'époque d'ailleurs, aujourd'hui, eh bien, ils peuvent être guéris. Donc, le serpent fait mourir par sa morsure, mais le serpent qui est dressé sur cette perche, lui, au contraire, il va pouvoir faire vivre. Et Jésus va s'identifier à ce serpent de bronze quand, s'adressant à Nicodème, il lui dit ceci, « De la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc ici, il ne faut pas nous étonner que Satan ait choisi justement cet animal-là pour essayer justement de séduire les êtres humains dès les origines, dès le début de tout. Et ce serpent, eh bien, il va essentiellement s'adresser à la femme. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Il est à noter que la femme, contrairement à son mari, n'a pas entendu de ses oreilles Dieu dire qu'il était interdit de toucher à cet arbre de la vie, du bien et du mal. Elle l'a appris par son mari. Donc déjà, Satan sait qu'avec elle, il est sur un terrain plus faible, où il peut beaucoup plus facilement introduire un esprit de doute qu'il ne l'aurait fait dans Adam. Et sa première question, c'est justement celle-ci à la fin, Dieu a-t-il réellement dit ? Tu ne l'as pas entendu, toi ? Tu es vraiment sûr ? Et si ton mari t'avait menti ? Voyez-vous, il y a ce poison du doute qui est distillé d'une manière extrêmement subtile. Parce que le serpent aussi, c'est quelqu'un qui sécrète ce poison mortel. Et ensuite, le serpent va lui dire une chose très importante. Il va lui dire, maintenant, si vous violez l'ordre de Dieu, vous serez vous-même comme Dieu. Être comme Dieu. Ça, c'est la tentation suprême du serpent, depuis le jardin d'Éden jusqu'à nos jours. Et avec maintenant l'apparition du transhumanisme auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, où des hommes d'une science complètement devenue folle pensent qu'ils vont pouvoir, comme ils le disent, tuer la mort, donc véritablement être comme Dieu, c'est cette vieille tentation de l'Éden. Vous serez comme Dieu. Or, en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. C'est-à-dire que si l'on prend, par exemple, votre nom et qu'on l'écrit en hébreu, on peut prendre la valeur numérique de chacune des lettres de votre nom, on en fait l'addition, et vous aurez votre numéro, votre chiffre. Oh, où est-ce qu'elle est ma... Le nombre. Merci. Voilà, le nombre qui correspond à vous. Et voilà, justement, si vous faites, alors on appelle ça la guématria. C'est une méthode d'exégèse que nous connaissons peu, parce que nous ne lisons pas la Bible en hébreu. Mais par contre, c'est quelque chose que les Juifs connaissent bien. Et on essaie de comparer des chiffres ou des nombres qui ont une valeur numérique semblable. Et notamment, il y a ici cette expression « comme Dieu ». Vous serez comme Dieu. « Ke Elohim », ça se dit en hébreu. Et savez-vous, quand vous faites la valeur numérique de cette expression « comme Dieu », le chiffre que ça vous donne, je vous le donne en mille, 666. Le chiffre de la bête. Et ce chiffre que nous retrouvons effectivement à la fin de l'Apocalypse, lorsque ce vieux serpent de l'Éden réapparaît effectivement lui aussi dans le livre de l'Apocalypse. Et Ève va se laisser séduire. Elle est véritablement trompée. Elle est séduite. Et voilà justement, elle va devenir maintenant un objet de séduction pour son mari. Elle va voir son mari. Et elle l'invite, lui aussi, à violer l'ordre de Dieu. Si Ève a été séduite, trompée, Adam ne l'est pas. Adam voit cette femme qui lui apporte ce fruit défendu, et il comprend tout de suite le drame devant lequel il se trouve confronté. Il a deux possibilités. Dire, Ève, désolé, mais tu as violé l'ordre de Dieu. Je suis désolé de te le dire, mais c'est fini entre nous. Moi, je choisis le chemin de Dieu. Tu prends un autre chemin. Nos voies se séparent ici. Mais il y avait une autre manière de faire. Et justement, c'est ça le drame d'Adam. C'est que cette femme, cet être merveilleux que Dieu avait créé pour être une aide qui soit semblable à lui, eh bien justement, va jouer de son charme, de son attraction, pour amener son mari à violer la loi de Dieu. Et voyez-vous, c'est très intéressant de noter qu'il y a aussi dans toutes les civilisations, souvent, une assimilation entre la femme et le serpent. Dans le livre de la Genèse, nous trouvons aussi cette assimilation. Et la femme va recevoir un nom, le nom de Chava, ce qui se traduit en français par Ève. Et il faut savoir que serpent en hébreu se dit Chivi. Chivi, Chava. C'est la même racine. C'est la même racine que le nom de la femme. Ça, pourquoi? Parce que le serpent, par définition, c'est un être séducteur. Il a utilisé son pouvoir de séduction pour séduire la femme. Et lorsque Dieu vient faire reproche à la femme, lui dit, mais pourquoi tu t'es laissé comme ça entraîner? Elle dit, le serpent m'a trompé ou m'a séduit et j'en ai mangé. Et le mot hébreu qui est traduit par séduit, c'est le mot nasa. Nasa, ça peut aussi signifier épouser. En quelque sorte, le serpent m'a comme épousé. Il a eu un tel pouvoir de séduction sur moi, et bien finalement, que le mot de Chava, Ève, c'est le pendant féminin du mot Chivi, le serpent. Et elle est à son tour devenue une source de séduction pour son mari. Son mari s'est trouvé devant ce dilemme. Ou bien je me sépare de cet être merveilleux avec lequel, de laquelle je suis profondément amoureux. Et à ce moment-là, je perds ma communion avec Dieu. Il le sait. Ou bien, eh bien, je romps avec elle pour rester fidèle au Seigneur. Dilemme. Dilemme qui n'était pas facile pour Adam. Mais finalement, il était tellement sous le charme de cette femme qu'il choisit de la suivre et de rompre avec Dieu. Et là, justement, c'est la chute. Mais voyez-vous, comme le disait le regretté professeur Jacques Ellul, la condamnation de Dieu, ce n'est jamais son dernier mot. C'est toujours le mot avant-dernier. Et au moment même où il condamne la femme pour avoir utilisé son charme pour séduire son mari, Dieu lui fait une promesse. Il dit oui, mais un jour naîtra de toi un être qui lui écrasera la tête du serpent. Ça veut dire enlèvera cette malédiction qui vient d'être prononcée. Bien sûr, ça se fera pour lui au prix de souffrances intenses. Il faudra qu'il soit blessé au talon. Mais néanmoins, la puissance du serpent ancien disparaîtra. Et Adam va donner à sa femme, à partir de ce moment-là, qui a déjà reçu un nom, ce nom Chava, il va lui donner un autre sens que le mot Chava peut aussi avoir. Chava, ça peut venir du serpent, Chivi, mais ça peut venir aussi de la vie, Chaim, Chai. Autrement dit, Chava, c'est la vivante. Voyez-vous, nous l'avons vu tout à l'heure, le serpent donne la vie ou il donne la mort. Et c'est ce qui va se passer. À cause du serpent qui a séduit Ève et qui l'a comme épousée, nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien, l'humanité va être placée sous la malédiction et la mort. Mais à cause justement de la descendance de la femme, ou du descendant de la femme, parce qu'en hébreu c'est très important, nous avons un pronom masculin singulier et non pas féminin comme on le traduit dans la plupart de nos Bibles. Ça veut dire, ce n'est pas toute la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire l'humanité entière, mais ça veut dire un individu parmi la descendance de la femme, un individu mâle parmi la descendance de la femme qui, lui, accomplira cette tâche d'écraser la tête du serpent. Et tous les rabbins sont d'accord pour dire que cet individu mâle qui est évoqué dans ce texte n'est autre que le Messie. Et c'est de là que naît cette idée qu'on appelle « Issour et Mashiach », les souffrances de l'enfantement messianique. Lorsque, au temps de la fin, interviendra cet ultime combat entre le Messie, le fils de la femme, et le serpent. Et ce combat se fera au prix de grandes douleurs, ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement messianique en hébreu. Ce temps messianique naîtra dans les douleurs comme un enfant naît dans la douleur, mais ensuite pour apporter une grande joie et ôter la malédiction et récupérer la bénédiction perdue dans le jardin d'Éden. Pour l'heure, on n'en est pas encore là. Pour l'être humain, pour le couple, le premier couple, c'est une promesse. Et Dieu va chasser ce couple du jardin d'Éden. Chasser ce couple, c'est-à-dire, finalement, le condamner à l'exil. Et la raison, Dieu le dit, parce qu'il y a un autre arbre dans le jardin d'Éden. Non seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que l'on peut assimiler avec l'arbre de la mort, le jour où tu en mangeras, tu mourras, mais l'arbre de vie. Et Dieu dit, maintenant que l'homme est arrivé comme quelqu'un de nous qui connaît le bien et le mal, je reviendrai sur cette expression ce soir, parce que c'est très important, et il dit, il pourrait tendre la main et prendre le fruit de la vie et vivre éternellement. Imaginez le désastre que ça serait si effectivement un homme comme Hitler avait eu la possibilité de vivre éternellement. Ces monstres qui ont ravagé la planète, Staline, Mao Tse-tung et autres personnages du même acabit, s'ils avaient eu accès à l'arbre de vie. Et voyez-vous, aujourd'hui, avec le transhumanisme, nous arrivons à cette vieille tentation de l'Éden. L'homme s'imagine qu'il va être comme Dieu. Il a acquis la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'il est arrivé à la conclusion que le bien et le mal, ça n'existe pas. Nous l'avons vu hier, il n'y a que des valeurs. Donc, il se situe au-delà des lois de Dieu, au-dessus des lois de Dieu. Donc, il a mangé cet arbre de la connaissance. Maintenant, ce qu'il cherche, c'est à étendre la main et à s'emparer de l'arbre de vie. Avec cette idée de tuer la mort que nous évoquions tout à l'heure, c'est la même vieille tentation. Mais voilà, pour éviter cela, ce désastre, et c'est un acte de miséricorde de Dieu, Dieu chasse le premier couple du jardin d'Éden. Et là commence une notion qui est essentielle dans la Bible, la notion de l'exil. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui va connaître plusieurs exils dans son histoire, mais c'est l'être humain qui, depuis qu'il a été chassé du jardin d'Éden, est en exil. C'est un exil qui l'amène à errer justement hors de ce jardin, dans le désert précisément. Ce désert qu'il a rencontré justement parce qu'il s'était détourné de Dieu. Et là, donc, il est conduit dans ce lieu qui est le lieu démoniaque. Et toute son histoire, maintenant qu'il a choisi de servir le prince de ce monde, c'est une histoire qui va être marquée par l'influence de ce même prince de ce monde, avec toutes les souffrances que cela va impliquer pour l'homme. Dieu va connaître, plutôt l'homme va connaître ce que Dieu aurait voulu lui épargner, à savoir de faire lui-même, dans sa propre chair, dans sa propre expérience, la connaissance de ce qui est le mal. Il va le connaître dans sa chair et il va en souffrir. Et ça, Dieu ne l'aurait pas voulu. Et finalement, ce qui va être le désir de l'homme, et c'est vrai encore pour aujourd'hui avec le transhumanisme que j'évoquais tout à l'heure, c'est de revenir au jardin d'Éden. Retourner à cet endroit. Mais, nous dit le texte biblique, Dieu place des chérubins avec l'épée flamboyante pour empêcher tout retour de l'homme dans le jardin d'Éden. Le paradis est définitivement perdu. L'homme aura beau faire. Et nous verrons justement que cette nostalgie du paradis perdu, elle marque l'humanité. C'est la nostalgie du paradis perdu qui va amener Caïn à construire une ville. C'est la nostalgie du paradis perdu qui va amener les hommes de Babel à construire la ville et la tour. C'est la nostalgie du paradis perdu qui va conduire tous les créateurs d'empires, Nebuchadnezzar jusqu'à Hitler, Mao Tse-tung, ce que nous invoquions tout à l'heure, en prétendant faire le bonheur de l'humanité par leur idéologie, c'est-à-dire finalement par un retour à l'Éden. Ils oublient une chose, c'est qu'il y a des chérubins qui empêchent le retour à l'Éden. Et toutes les tentatives de revenir à l'Éden se sont toujours terminées par des catastrophes. Et l'ultime tentative, qui est celle du vieux serpent de l'Éden, au travers de ce personnage 666 comme Dieu, c'est ça la définition de l'Antichrist. Celui qui veut être comme Dieu, s'asseoir dans le temple de Dieu. Eh bien, 666, ça veut dire aussi voué à l'échec. Tentative d'égaler Dieu, son chiffre étant 7, et on essaye, mais on n'atteint jamais le but, parce qu'il y a des chérubins avec l'épée tournoyante qui empêchent cela. Est-ce que Dieu va laisser l'homme à cette errance ? Non. Car même dans sa révolte, Dieu continue à avoir un plan pour l'humanité. Et il continue à appeler l'homme. Et alors, il va lui donner, il va ouvrir devant lui un chemin. Et le Seigneur dira à Israël, dans cette perspective de la nouvelle création que nous avons évoquée tout à l'heure, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non pas de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » L'homme ne peut pas revenir en arrière. Il ne pourra pas retrouver le chemin de l'Éden. L'Éden est un paradis qui est définitivement perdu. Et pourtant, Dieu place devant lui un chemin, avec un avenir et une espérance. Et cet homme est en marche vers un nouvel Éden, qui ne sera pas la reproduction exacte du premier, mais néanmoins qui sera même encore quelque chose qui est supérieur. Et l'homme qui a perdu tous ses points de repère, parce que chassé de ce jardin d'Éden, il ne lui reste plus qu'un seul point de repère. La promesse de Dieu. Et tout ce que l'homme peut faire dans cet exil, dans cette errance qui est la nôtre à chacun d'entre nous, car nous sommes tous en exil, comme nos premiers parents étaient en exil. L'homme ne peut faire qu'une seule chose, se confier dans la parole de Dieu. D'où justement ce qui sera pour la réforme le centre même de ce mouvement. Le juste vivra par la foi. Ça, c'est ce que le Seigneur place devant l'homme. Il n'a aucune autre solution que de faire une confiance aveugle et absolue à l'amour de Dieu, à la promesse de Dieu, qui n'a pas dit son dernier mot, mais ce dernier mot, comme l'avons dit, c'est la grâce, la restauration et le retour. Et voilà. Et ce sera ma conclusion. Maintenant, je reviens à ces livres dont j'ai parlé de le commencement. Nous avons vu que Dieu donne, en fin de compte, deux livres. Et là, je citerai ce qu'ont dit les sages d'Israël. Voici le livre, le premier livre, le livre de l'histoire du ciel et de la terre. Et l'idée est la suivante, c'est qu'après la chute, l'homme, Adam, qui se rend compte qu'il a perdu la sagesse la plus élémentaire, qu'il n'a d'autre possibilité, comme on le dit, que de se confier dans la promesse de Dieu, eh bien, il va demander au Seigneur de lui révéler ce qui arrivera à ses descendants. Et Dieu va lui donner un livre, disent les sages d'Israël. Ce livre, c'est le livre de l'histoire du ciel et de la terre. Cette histoire du ciel et de la terre, qui en a été témoin? Qui l'a écrite? Alors on répondra Moïse. Mais comment Moïse a-t-il su? Moïse n'était pas au premier jour de la création pour voir ce qui s'y est passé. Alors certains textes apocryphes nous disent « ce sont les anges qui ont communiqué cette révélation à Moïse ». Mais Rabbi Akiva dit non, c'est Dieu lui-même. Dieu a été le témoin de ce qui s'est passé et il a écrit dans un livre ce qui s'est produit et il l'a donné à Adam. C'était le premier livre. Puis il y a eu un deuxième livre que Dieu lui a demandé d'écrire. Il a dit « maintenant, toi, Adam, tu vas rédiger un deuxième livre, le livre de l'histoire de l'humanité. » Et le mot « toldot », engendrement, que nous avons évoqué tout à l'heure, peut aussi se traduire par une histoire. À partir du moment où l'homme est chassé du jardin d'Éden, commence l'histoire de l'homme. Le jardin d'Éden est un endroit dans lequel il n'y a pas d'histoire. Il ne se passe rien dans le jardin d'Éden. Comme le dit un proverbe, les peuples heureux n'ont pas d'histoire. L'histoire commence seulement à partir du moment où l'homme est chassé du jardin d'Éden. Et Dieu donne à Adam l'ordre d'écrire cette histoire dans un livre qu'il transmettra à ses descendants, pour que ses descendants puissent comprendre au travers de cette histoire, ce qu'est le plan de Dieu, l'histoire. C'est une notion, je pourrais vous en parler longtemps, c'est une notion qui est essentielle dans la Bible. La Bible, c'est tout simplement l'histoire des relations entre l'homme et Dieu, depuis le commencement jusqu'à la fin. Une histoire, ça veut dire un dialogue entre deux êtres libres. Chez des êtres qui ne sont pas libres, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire animale, par exemple. Les animaux n'ont pas d'histoire, parce qu'ils ne sont pas des êtres libres. Ils ne peuvent pas faire des choix libres. Mais l'homme peut faire des choix libres. Et l'homme peut choisir de prendre des décisions qui vont engager l'avenir. Et cet avenir-là, Dieu l'assume. Il dit « bon, c'est ton choix ». Ok, je l'enregistre. Et il y a donc ici, voyez-vous, quelque chose qui est essentiel et qui amène justement cette question du bien et du mal. Connaître le bien et le mal, c'est connaître les conséquences de nos choix. Il y a des choix dont nous ne pouvons pas dire ce qu'ils seront, ce qu'en seront les conséquences. Est-ce que j'ai bien fait de faire ce choix ? Je ne peux pas le savoir toujours sur le moment. C'est après coup. Je me dis, mince, je me suis trompé, je n'aurais pas dû faire ça. Ou au contraire, j'ai bien fait d'agir comme ça. Ce qui veut dire que pour connaître le bien et le mal, ça veut dire la fin des choses, la valeur des choses, il faut connaître l'avenir. Et connaître le bien et le mal, manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est essayer de voler à Dieu la connaissance de l'avenir. Mais Dieu a caché aux hommes cette connaissance de l'avenir. Parce que si l'homme connaissait l'avenir, il y a des choix qu'il ne ferait pas. Et le plan de Dieu, l'histoire telle que Dieu l'a conçue, ne pourrait pas se dérouler selon le plan de Dieu. Alors, Dieu cache les choses. Et par exemple, vous avez ce texte où nous est dit qu'au moment de Sodome et Gomorre, Dieu dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Abraham a une relation particulière avec Dieu et Dieu va lui révéler une partie de son plan en ce qui concerne Sodome en particulier, afin que Abraham puisse prier pour Sodome. Mais voyez-vous, cette histoire, eh bien, elle va vers un but. Et cette histoire, même dans ses débordements les plus lamentables, Dieu l'utilise pour lui faire son histoire à lui. Cette histoire qui n'est pas un retour à l'Éden, mais qui est le retour dans quelque chose qui sera plus que l'Éden, la Jérusalem céleste. Et c'est un peu, je prendrai une dernière image, comme un tapis persan. Les artisans qui fabriquent les tapis, quand vous voyez des artisans qui sont en train de travailler à faire un tapis, le tapis est toujours à l'envers. Vous ne voyez pas du tout ce que ça va donner. Et qu'est-ce que vous voyez ? Un entrelac de fils de différentes couleurs qui n'ont aucun sens, aucune signification. Vous dites, mais c'est lamentable, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et ce n'est que lorsque le tapis est terminé que ceux qui l'ont fabriqué le retournent. Et vous voyez que cet entrelac de fils dont vous n'avez rien compris, en fait, eh bien, avait pour but, parce que ceux qui le fabriquaient savaient ce qu'ils faisaient, vous ne savez pas, parce que vous n'êtes pas un artiste dans ce domaine-là. Mais l'artiste, lui, le sait. Et à la fin, vous voyez la merveille qui sort des mains de l'artisan. Ça, c'est le livre de l'histoire de l'homme. Dieu laisse l'homme choisir des voies qui sont parfois incohérentes, qui sont parfois complètement des impasses. Et parce que justement, Dieu a caché à l'homme les conséquences de ses actes et ce que serait l'avenir. Mais mystérieusement, comme un artisan de grande classe que j'évoquais tout à l'heure, Dieu emploie ses différents fils et il en fait une œuvre. Il y a une correspondance mystérieuse entre l'histoire et le royaume de Dieu. L'histoire fabrique, prépare le royaume de Dieu. Elle le fait d'une manière qui nous semble incohérente. Mais au dernier jour, quand le royaume sera là, nous verrons que tout cela avait un sens. C'est vrai pour l'histoire de l'humanité. Et « va'ele toldot Adam », ça peut se traduire aussi par « voici l'histoire de l'humanité ». Mais c'est vrai pour notre histoire personnelle, votre histoire personnelle. Il y a des choses incompréhensibles dans nos vies, des choix que nous avons faits, que nous n'aurions pas dû faire, des choses qui ont des conséquences négatives. Si nous vivons de cette parole prophétique, le juste vivra par la foi. Nous confions dans la promesse de Dieu, disant « Seigneur, j'ai essayé de faire de mon mieux. Toi, tu sais. Eh bien, toi, Seigneur, qui recueille ce qui a fui, recueille ce qu'a été mon histoire passée, avec ce que moi je considère comme ses ombres et ses lumières. Parce que je sais, à cause de ta parole et de ta promesse, qu'un jour, je verrai l'envers du décor et je verrai que toutes ces choses contribuaient, comme dira l'apôtre Paul, au bien de ceux qui aiment Dieu et par conséquent à l'avènement du royaume de Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous avons vécu comme nos pères les conséquences de ce drame et nous le vivons encore, qui a commencé dans le jardin d'Éden. Comme Adam, Seigneur, nous réalisons que voulant être sages, nous sommes devenus fous. Que voulant connaître le bien et le mal comme des absolus, nous errons lamentablement comme des aveugles en plein midi. Seigneur, et nous t'apportons cet instant, ce matin, nos vies, avec tout ce qui a été négatif, avec tout ce que nous pouvons regretter. Mais Seigneur, merci, parce que même quand tu prononces ces jugements sur une humanité coupable, tu donnes une promesse. Et Seigneur, nous voulons, comme tu le dis à Israël, ne plus prêter attention aux choses passées. Parce que, avant même qu'elles arrivent, tu nous en annonces de nouvelles. Et Seigneur, nous voulons croire, contre toute évidence, contre toute espérance, qu'il y a devant nous, chacun d'entre nous, si nous voulons vivre par la foi, un avenir et une espérance. Et que même, Seigneur, ce qui pourra nous sembler négatif, au jour éternel, apparaîtra comme cette œuvre merveilleuse qui entrera dans la Jérusalem céleste. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui regardons en arrière, vers les Édens perdus, mais de ceux qui regardent en avant, comme les patriarches, qui, quittant les Babels de ce monde, s'étaient mis en marche vers la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, cette nouvelle Jérusalem. Et nous te disons, Seigneur, que bientôt, cette réalité descend du ciel, comme cette épouse parée pour son époux, afin, Seigneur, que nous puissions être ceux, Seigneur, qui entreront dans cette nouvelle Jérusalem et auxquels tu pourras dire, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, mais je te confierai de grandes. Entre dans la joie de ton maître. Est-ce que vous sentez que Dieu est là? Restons un instant dans la présence de Dieu. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler. À sa parole, Dieu est là. Notre sœur Sophie nous propose de terminer ce moment par le chant que nous avons appris lors de notre dernière session, Jérusalem d'or. Peut-être que Yaël, tu pourrais venir le chanter aussi. Jamais avait reçu une commande de la part du maire de Jérusalem, M. Teddy Collet, pour écrire un chant à la gloire de Jérusalem. Et donc, elle a écrit ce chant, et moi je l'écoutais dans ma chambre sur mon poste de radio, et j'ai senti qu'il y avait véritablement dans ce chant quelque chose de prophétique. Et nous ignorions tous, évidemment, ce qui allait se passer. Et le soir, quand les cérémonies ont été terminées, la radio annonçait que le colonel Nasser massait 1000 tanks dans le désert du Sinaï. C'était le début de la crise qui, 3 semaines plus tard, devait aboutir à la guerre des 6 jours et à la libération de Jérusalem. Et là, donc, 3 semaines après, ce qui était ce chant prophétique s'est voulu réaliser. Comme la myrrhe, chantant comme une. soyez dévichataire de bonne après-midi à ce soir.